Bonjour madame. Asseyez-vous. Vous êtes venu pour l'offre de vendeur dans un magasin de produits de luxe ? Ben, oui. Oui. Je cherche une personne aimable, mais réservée, dynamique, mais patiente, avec une certaine classe et parlant plusieurs langues, parce que notre clientèle est internationale. Oui. Et ça fait longtemps que vous cherchez du travail ? Vous savez, hein, c'est de plus en plus difficile. Il y a la crise. Et puis surtout, à mon âge, qu'est-ce que vous voulez ? Oui, vous avez 45 ans ? Bah, oui. Oui. Et vous êtes dans la vente depuis combien de temps, vous m'avez dit ? Depuis 2 ans seulement. Mais c'est le problème avec tous ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Ils sont beaucoup plus dynamiques. L'énergie, je l'avais quand j'étais jeune. Et dans votre dernier emploi, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Vous avez été licencié ? Ben oui. C'est la maison qui a fait faillite. Remarquez, il y en a qui disent que le patron aurait fait un trou dans la caisse. Moi, je sais pas trop. Et depuis, j'ai rien trouvé. Pardonnez-moi cette question, mais est-ce que vous êtes déjà entré dans une boutique de luxe ? C'est-à-dire que... jamais. Vous comprenez, on n'a pas les moyens. J'ai quand même une femme et 3 gosses à nourrir. Et puis, l'ambiance est un peu... snob pour des gens simples comme moi. Mais le luxe, je sais ce que c'est. Je vois ça dans les magazines, chez le médecin ou le dentiste. Et puis la vente, c'est la vente. Bon, je vois. D'accord. Et quel salaire souhaiteriez-vous ? Vous savez, quand on cherche du boulot, on peut pas trop se permettre de faire le difficile. Ce que je veux surtout, c'est un CDI. Bon, on vous écrira, monsieur. Oui, on dit toujours ça, hein. Allez, au revoir, madame.